Fois de plus, bonsoir à toutes et à tous et merci de retrouver cette autre édition de Geoeconomics. Le monde connaît de fluctuations géopolitiques et géostratégiques qui ont des conséquences économiques et nous, dans le cadre de cette émission, nous examinons ces conséquences économiques afin de vous permettre de mieux comprendre comment est-ce que l'ensemble peut influencer votre quotidien et parfois même changer votre qualité de vie. Nous allons, dans le cadre de cette autre édition, nous concentrer sur la France qui est en chute libre économiquement parlant sur le continent, en tout cas dans de nombreux secteurs et dans de nombreux pays francophones du continent. On a cité tout à l'heure le cas du Cameroun, mais on pourrait voir la République centrafricaine où les entrées de Paris s'amenuisent. On peut aussi citer le Mali qui semble désormais pratiquement hors de portée si le franc CFA, l'outil monétaire, permet encore à Paris de contrôler, d'avoir un certain contrôle et de continuer à avoir des intérêts économiques assez importants. Toujours est-il que la perte d'influence sur le terrain, sur le plan géopolitique et géostratégique semble avoir de lourdes conséquences donc sur les revenus de Paris ou alors les entrées de Paris économiquement parlant sur le continent africain. Nous allons dans le cadre de cette édition échanger avec le professeur François Dengue qui est déjà installé en multiplex. Je vous dis bonsoir professeur et merci de nous retrouver dans cette autre édition de Geoeconomics. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Afrique, Afrique Média, et je dis bonsoir au docteur, mes deux frères qui sont là, Célestin Tchakounté, et au docteur Achille Eke. Bonsoir. Bonsoir. Et également sur ce plateau, je vous dis bonsoir, docteur Célestin Tchakounté-Lengue. Merci de nous retrouver. Vous êtes enseignant, vous êtes également auteur, notamment d'un ouvrage exceptionnel que nous citons toujours dans le cadre de nos échanges. Il s'agit d'ouvrage intitulé « Les privatisations en Afrique avec le cas du Cameroun ». Vous plaidez toujours pour que, à chaque fois qu'une telle possibilité se présente, qu'elle soit au bénéfice du tissu économique local, parce que vous le dites très clairement, cela permet d'avoir une richesse, une consolidation de la richesse, de ne pas avoir des pertes notamment en devises dues aux exportations de capitaux. Et ça permet aussi à l'État d'avoir un contrôle plus important en termes de souveraineté. Je vous dis bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir Guy Fondor. Merci de m'avoir invité. Je salue comme ça professeur Dengue et tous les autres, docteur Ke, ainsi que tous les autres que vous avez présentés. Oui, effectivement, moi je suis pour les privatisations, mais dans le cas du Cameroun, ça n'a pas été bien mené parce que ça a été fait au profit des étrangers. Et ça, c'est grâce à l'appui de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international qui nous ont poussé à donner des pans entiers de notre économie à des étrangers. Alors que partout où il y a eu des privatisations, où ça a bien fonctionné, c'est quand c'est les nationaux qui ont pris le contrôle, notamment, peut-être que ce n'est pas le débat de ce soir, mais en fait, il faut privatiser, mais au profit des nationaux, parce qu'il n'y a pas d'exemple de pays développé par des étrangers. Donc, l'Afrique sera développée par des Africains, il n'y a pas d'autre solution que ça. Effectivement, on le voit aujourd'hui, le contrôle sur ces multinationales est toujours un peu difficile. On les appelle les monstres de nos économies parce que quand vous tentez, eh bien, c'est le pays d'origine de cette multinationale qui a tendance à monter au créneau et les bénéfices, le rapatriement qui se fait sans même tenir compte des réserves de change que l'on peut disposer ou pas, étant toujours donné que nous avons obligation de trouver la liquidité en devise qu'il faut à chaque fois que ces multinationales doivent exporter leur devise. Et vous citez d'ailleurs le cas de la régie Fercam, de l'ex-régie Fercam qui est bien répertoriée où on voit aujourd'hui les conséquences. Faible contrôle étatique sur l'entité qui désormais bénéficie donc des chemins de fer camerounais, également difficulté donc de rapatriement, en tout cas du côté de l'État qui doit trouver les devises à chaque fois pour permettre que le bénéfice soit rapatrié. Merci à vous d'être là. Achille Eke, vous êtes également là, vous êtes à New York ou à Washington, vous nous donnerez la précision. Bonsoir en tout cas et merci de rejoindre cette autre édition de Geoeconomics. Bonsoir Guy Fondor, bonsoir à mes collègues panélistes, au professeur François Dengue et Dr Tchakounté. Un plaisir immense de vous retrouver sur ce plateau de géopolitique. Je dis un grand bonsoir à tous les téléspectateurs fidèles de Afrique Média et de cette émission. Je suis à Washington, dans la grande région de Washington, spécialement dans l'État de Virginie, la Virginie du Nord. Précisément. Voilà. Merci. Merci à vous. Voilà, rappelez que le docteur Célestin Tchakounté est à Yaoundé au Cameroun. Voilà, le professeur Dengue est à New York, c'est ça? Washington. À Washington. Alors, également. Merci à vous, messieurs, d'être donc présents pour cette autre édition de Geoeconomics. Alors, je ne vais pas revenir sur les chiffres. La France a perdu beaucoup d'intérêts économiques en Afrique ces 30 dernières années. Récemment, c'est l'ambassadeur de France, celui qui est parti à Yaoundé au Cameroun, qui le disait aux étudiants même de l'Institut des Relations Internationales du Cameroun et qui parlait des pertes de parts de marché, voilà, atteignant les 70% de ce qu'elle possédait il y a de cela à peu près 30 ans. Donc on ne va pas revenir sur le constat en lui-même. Je voudrais rapidement que nous rentrions dans ce qui pourrait être la cause, voilà, de cette chute de la France pour tenter après de comprendre si effectivement elle peut rebondir plus tard. Alors, dans l'introduction de l'émission, le constat que font beaucoup d'experts de la géostratégie, de la géopolitique ainsi que de la géoéconomie est que Paris à un moment donné a pensé que l'outil militaire, que la politique sécuritaire, que les moyens de pression sécuritaire dont elle disposait, qu'elle avait même d'ailleurs développé, pouvaient lui permettre de continuer à asseoir une sorte d'emprise sur les économies du continent africain. Alors je vais commencer par vous, Achille, et que est-ce que vous pensez que c'est là le problème, que Paris a en agissant ainsi a créé les conditions de la chute d'aujourd'hui? Oui, je pense que au sorti de nos indépendances, n'est-ce pas, la France avait cet avantage comparatif par rapport à d'autres pays à travers le monde, qui est de, n'est-ce pas, d'avoir signé ces contrats lyonnais avec nos États naissants, et donc de s'arroger un certain nombre de privilèges, n'est-ce pas, en termes d'affaires, en termes de transactions, en termes de vente de commerce, de vente de nos produits, nos produits d'exportation, etc. Ce qui donc lui a permis de pouvoir avoir une mainmise totale sur l'économie africaine, sur nos économies. Et avec le temps, ces États ont commencé à prendre pied, ainsi de suite, avec le temps, et à créer des pseudo-industries, des petites, des embryons d'industrie, on va dire. Ce faisant, donc, on va parler par exemple du cas du Cameroun, hein, c'est-à-dire que c'est un cas très propre, très clair. Le Cameroun a commencé, n'est-ce pas, avec, au sortir de l'indépendance, pratiquement rien. Et puis, au fur et à mesure, l'initiative locale, les pays, les entrepreneurs locaux ont commencé à créer, n'est-ce pas, des petites industries à gauche, à droite, les brasseries, on a commencé à fabriquer tout un certain nombre de produits. Qui ont commencé à faire de la compétition avec les produits, n'est-ce pas, d'entreprises françaises qui étaient majoritairement implantées dans le pays. Alors c'est le même processus qui s'est réalisé un peu partout. Et avec le temps, donc, nos pays ont pu, donc, en plus de la formation, n'est-ce pas, de l'expertise qui était requise, qui était nécessaire pour pouvoir développer le pays, parce qu'on n'en avait pas au sortir de l'indépendance. Donc, l'éducation, les gens se sont formés à travers le monde et sont rentrés au pays pour mettre à contribution leur expertise pour développer le pays. Alors, toutes ces contributions avec l'ingénierie des populations locales et des hommes d'affaires locaux a permis donc de pouvoir créer, n'est-ce pas, une industrie qui a vraiment donné du poids de la bête avec des entreprises comme les brasseries du Cameroun, par exemple, qui, n'est-ce pas, avaient un certain monopole et qui, avec le temps, il y a eu une certaine concurrence des compagnies comme UCB, etc., qui ont été créées. Et dans plusieurs autres secteurs, on peut voir la même chose. Donc, avec le temps, donc, les choses ont diminué. Les parts de marché de la France ont commencé à diminuer. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, avec l'arrivée massive de la Chine est arrivée avec, n'est-ce pas, des solutions qui étaient utiles pour les Africains, parce que pendant près de 30-40 ans, on n'avait pas de solution avec la France. La France, c'était juste faire de l'argent et rapatrier ses fonds en France, c'était tout. Il n'y avait vraiment pas de développement dans le pays. Les Chinois sont arrivés et grâce aussi à l'outil technologique, les smartphones, l'Internet et tout cela, donc cela a pu favoriser, n'est-ce pas, une éclosion, n'est-ce pas, d'une demande africaine, demande des peuples africains, qui a été donc satisfaite en grande partie par, n'est-ce pas, l'arrivée des Chinois ou d'autres, et d'autres investisseurs, n'est-ce pas, de grande échelle. Donc, c'est ce résultat qu'on observe aujourd'hui. Entre 2000 et 2020, on dit que la part de marché de la France est partie de quoi? De 17% à 5%, je pense. Ce qui fait que, véritablement, la France ne pèse vraiment plus dans nos économies. Et ce qu'il faut donc faire, c'est continuer ce processus. Mais il ne faut pas dissocier ce processus avec le processus de conscientisation des peuples africains ou d'Allemands sur le plan politique, qui a permis donc aux gens de comprendre le jeu que faisait la France, et ainsi que, n'est-ce pas, cette monnaie qu'on appelle France CFA, qui, au fur et à mesure que les populations comprennent l'impact de cette monnaie sur, n'est-ce pas, leur niveau de vie, commence à se dire, il va falloir trouver des alternatives. Donc, c'est un ensemble de situations qui font qu'aujourd'hui, la France n'est plus capable de pouvoir compétir avec les grandes entreprises multinationales à travers le monde. Donc, voilà un petit peu ce que je peux dire sur ce plan pour le moment. Alors, vous évoquez très clairement le contexte historique des indépendances avec la France, qui arrive avec des contrats lyonnais, mais il faut peut-être rappeler que ces contrats-là, c'est parce qu'il y avait des garanties sécuritaires qui étaient données à un certain nombre de jeunes chefs d'État qui arrivaient au pouvoir, très souvent, enfin parfois en pleine contestation même, faisant face à des contestations assez populaires dans leur pays et qui devaient à un moment donné se maintenir. Alors permettez que je vous retrouve très rapidement, professeur Ndengwe. Alors la France, justement pour avoir ces contrats lyonnais, assurait le renseignement et la stabilité des régimes contre l'influence économique. Alors, est-ce que cela pouvait durer longtemps? Est-ce que l'erreur ici n'a pas été de penser que la France serait capable de continuer de fournir, de garantir le renseignement, de garantir également la stabilité, quand on sait que ces États ont pu, dans le cadre de la diversification de partenariats sécuritaires, obtenir sécurité ailleurs, obtenir également renseignement ailleurs, et que la France, par la suite, s'est retrouvée un peu comme pas indispensable. Est-ce que ça a été là l'erreur pour vous? L'erreur vient de très loin. L'erreur française vient de très loin. Et je la remonterai à De Gaulle. Et je remonterai l'erreur à l'arrivée de De Gaulle, à la fin de la 4e République. Et je rappelle toujours le livre de Mangobetti, Main basse sur le Cameroun. C'est un livre fondateur que les Camerounais et que les Africains devraient relire. On parle beaucoup de France-Afrique aujourd'hui, depuis quelque temps, mais pour moi, la référence reste le livre Main basse sur le Cameroun. Mangobetti n'était ni économiste ni sociologue, mais sa finesse d'analyse, sa capacité à voir les travers de la France, et il parle même d'une maladie de l'intelligence française sur l'Afrique. L'erreur vient de très loin. Et moi, je situerai l'erreur en février, plus précisément en mai 1958, quand De Gaulle revient au pouvoir. Jusque-là, la colonisation allait cahin cahin avec les crimes que la France connaît et que la France a commis et que les gouvernements français, quels qu'ils soient de gauche, de droite, de centre, etc., ont commis. Mais quand Charles de Gaulle revient, il a cette idée, soi-disant, de la grandeur française et il croit qu'il va asseoir la grandeur française sur l'esclavage des Africains. N'oubliez pas que Charles de Gaulle n'a jamais accepté l'indépendance et que cette fameuse conférence de Brazzaville qui date d'avant, il n'y a pas une seule fois le mot indépendance là-dedans. Donc c'est une erreur, une folie de vouloir verser sur les Africains l'ambition de soi-disant, entre guillemets, la grandeur française. Et deuxième erreur, c'est que, comme je l'ai souvent dit, vous pouvez vous déclarer empereur politique, vous pouvez prendre le pouvoir politique, vous pouvez gouverner sur les hommes, vous pouvez les contraindre en voie politique, vous pouvez prendre le pouvoir d'une manière ou d'une autre, le conserver pendant 10, 150 ans, mais vous ne pouvez pas vous déclarer empereur économique. L'économie a ses lois, et que vous soyez De Gaulle, que vous soyez je ne sais pas quoi, quel que soit le président, Reagan, Biden, Poutine, il y a des lois de l'économie que vous devez respecter. Et la France n'a pas respecté les lois de l'économie. La France a voulu s'asseoir sur l'Afrique. La France n'a pas voulu respecter le jeu libre de la concurrence. La France n'a pas voulu respecter le jeu de l'initiative. La France n'a pas voulu cela. Ça, c'est la deuxième erreur. Et la troisième erreur, c'est que la France a confisqué les richesses africaines. Elle a asservi l'intelligence africaine. Elle a empêché l'éclosion du dynamisme des Africains au bénéfice, et quand on dit la France, c'est un peu un abus parce que c'est une petite clique de la direction. Le peuple français est ignorant de tout ceci et n'en bénéficie pas. Vous voyez par exemple des maniaques qui se sont enrichis sur l'Afrique comme M. Bolloré. M. Bolloré, ce n'est pas le français quelconque. Professeur, vraiment, souffrez que je vous interrompe légèrement parce que sinon ça reviendra après dans le débat. Alors quand on dit, quand vous affirmez que le peuple français n'en bénéficie pas, est-ce que cela voudrait dire que si on regarde le portefeuille d'un Français ce soir, il n'y aurait pas un peu de cet argent africain dedans parce que ces multinationales, au moins, même si elles font de l'évasion fiscale, elles payent leurs impôts, notamment l'impôt sur le revenu dans ce pays qu'est la France. D'ailleurs, Jacques Chirac l'a dit avant sa mort, de dire que les Français devraient être, le citoyen français lambda devrait être reconnaissant des Africains parce que s'il a pu avoir un certain train de vie, c'est parce que les Africains payent la facture. Les Français sont, une part, je dis le peuple français en général est aussi victime de cette histoire. Parce que je pourrais vous expliquer en quoi, mais je voudrais me concentrer sur ce que j'avais à dire sur le passif, puisque nous sommes sur l'explication des causes. Si c'est bien ça la question que vous avez posée. Parfaitement. Et parmi ces causes, je dis que c'est le myopisme, c'est l'impossibilité de la France de comprendre le jeu des lois de l'économie et qui s'applique. Et enfin, je veux dire que la France a tout perdu en voulant tout gagner. La France pouvait être, je le dis, le pays le plus riche du monde si elle s'était accommodée des Africains. Les Africains ne sont pas rancuniers. Les Africains auraient très bien pu travailler avec la France. Et d'ailleurs, c'est ce que les Africains avaient proposé. Les gens ont oublié, mais si vous me donnez le temps après, je vais l'expliquer. Il y a eu le 17 février 1958 à Paris, quelque chose qu'on a appelé la conférence de regroupement des partis politiques africains. C'est une date fondatrice. C'est extrêmement important. Il y avait trois secrétaires, dont le très grand Ahmed Sékou Touré, et les Africains proposaient à la France, à la veille de l'indépendance, une association. C'était une initiative africaine où les Africains, malgré les crimes que les Français avaient commis, malgré les assassinats, malgré le pillage, malgré le travail forcé, les Africains étaient prêts à passer l'éponge et disaient à la France, venez, construisons un ensemble fédéral ensemble avec vous, inexcluez pas la France. Charles de Gaulle est venu, il a cassé ce projet, il a balkanisé ce projet, alors que les Africains voulaient aller à l'indépendance ensemble, dans deux grands ensembles qui allaient être comme un pays, l'Afrique équatoriale française, ce qu'on appelait l'Afrique équatoriale française et le Cameroun, et de l'autre côté, ce qu'on appelait l'Afrique occidentale française, le Togo. C'était donc comme deux pays qui devaient aller à l'indépendance ensemble et qui devaient ensuite s'unifier. C'était déjà le fédéralisme, c'était déjà le panafricanisme. Les gens parlent du panafricanisme, mais nous avons de grands devanciers. Et dans cette réunion de Paris, il y avait le grand Modibo Keïta, il y avait même Senghor, il y avait même le président Houphouët-Boigny, mais hélas, le président Houphouët-Boigny a trahi, je dis bien a trahi, parce que Charles de Gaulle est venu le corrompre et il a vendu ses frères et ils ont tout cassé et la France se retrouve aujourd'hui là où elle est. Elle aurait pu, dans cette proposition africaine qui avait été co-signée par tous les grands dirigeants africains de l'époque, d'une communauté, enfin le mot n'est pas communauté, n'est pas bien parce que de Gaulle va utiliser le mot communauté dans l'article 12 de sa constitution d'octobre 1958, mais les Africains proposaient un fédéralisme qui aurait pu inclure la France et qui permettait donc à la France, vous imaginez si la France s'était associée avec les Africains, la France serait aujourd'hui le pays le plus riche du monde, avec les Africains bien sûr, parce que l'Afrique a vocation à être le territoire des hommes les plus riches de cette terre. La France a refusé. Elle a eu la politique de vouloir tout gagner toute seule. Elle a été égoïste. Elle a massacré. Elle a prolongé le nazisme monétaire. Et les résultats sont là. Elle ne peut pas faire la compétition. Et malheureusement, cette histoire arrive. Et je le dis vraiment avec regret. Je ne suis pas un anti-français. Je le dis avec regret. Tout simplement, la France a fait de mauvais choix. Et les médias français ont caché cela à la population. Ils ont continué à mentir, comme ils mentent depuis toujours. Et ça va être très difficile pour la France. Moi, je crois que d'ici peut-être 20 ans, la France risque de tomber plus bas que le Portugal, parce que ce sera extrêmement difficile. L'économie française n'est plus compétitive. L'industrie française a énormément de difficultés. Sur le plan politique, la France n'est plus un pays libre. La France est devenue un pays vassal des États-Unis et risque même de devenir un pays vassal de l'Allemagne. Et l'Allemagne, qui est aussi en difficulté, mais qui est en train de monter en termes militaires. Et le chancelier allemand a dit que l'armée allemande a vocation à devenir la plus grande armée. Ce n'est pas un bon discours pour la France. On sait ce que c'est quand l'armée allemande devient puissante. Son voisin immédiat, c'est la France. Et ça reste vraiment, je ne sais pas ce que sera l'avenir pour la France, mais ça risque d'être très, très difficile. Encore une fois, ce n'est pas la faute des Africains. Les Français ont mal joué et ont voulu écraser les Africains. Par chance, les Africains ont la peau dure. Ils sont résilients, ils peuvent résister et ils résisteront encore. Et je n'ai pas un seul doute qu'ils s'en sentiront beaucoup mieux que la France, beaucoup mieux que l'Allemagne, beaucoup mieux que l'Europe. Je vous retrouve à Yaoundé au Cameroun. Alors, je vous ai vu prendre des notes. Vous allez un peu nous apporter comme une synthèse dans ces deux interventions. Alors, est-ce qu'on va dire très concrètement que la France aurait dû faire comme les États-Unis dans certaines zones d'influence, comme la zone Indo-Pacifique, où on voit par exemple un pays comme le Japon qui a développé d'énormes actifs avec des capitaux américains et un pays qui est allé à la conquête du monde, mais en réalité une conquête du monde dans laquelle il y avait des intérêts américains et donc une rétrocession assez importante aux Américains. Est-ce que c'est ce que la France aurait dû faire pour suivre, par exemple, si vous décidez de vous aligner sur les positions du professeur Dengue, de dire qu'il fallait tenir compte d'une certaine liberté économique qui devait s'imposer et tenir également compte du jeu de la concurrence mondiale qui allait faire en sorte, qui après allait imposer un peu ce qu'on voit aujourd'hui? Oui, Guy, je crois que c'est la réponse dans la question. C'est ce que la France aurait dû faire. C'est-à-dire que, pas seulement comme les États-Unis, mais faire comme ses voisins, l'Angleterre, l'Angleterre, même l'Allemagne, qui ont appris à vivre sans leur colonie. Parce qu'il est possible de bâtir une économie qui soit conquérante. Il est possible de bâtir une économie, après tout, la recherche française fonctionne assez bien. Même l'industrie fonctionne plutôt bien. Sauf qu'ils ont bâti un modèle qui est basé sur le pillage de l'Afrique. À partir du moment où vous bâtissez un modèle sur le pillage, vous ne pouvez plus être compétitif. Vous allez vous-même perdre en termes de compétitivité. Et je voudrais dire, rajouter sur ce qu'a dit le professeur Dengue, qu'en réalité, le problème commence non pas seulement quand De Gaulle revient, mais c'était un peu plus avant, c'était en 1945. Et c'est vrai, c'est sur De Gaulle, puisqu'il a parlé du nazisme monétaire. C'était en 1945, quand il faut fonder le franc CFA, le 26 décembre 1945, quelques semaines seulement après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, là où tous les dirigeants français ne pensent qu'à une seule chose, qui est de reconstruire la France, parce que la France, la plupart des combats ont eu lieu sur le territoire français. Donc il y a des villes qui ont été complètement détruites. On ne pense qu'à une seule chose en France à ce moment-là, c'est reconstruire la France. Donc c'est comme ça qu'il faut situer toutes les décisions qui sont prises, entre autres la création du franc CFA. C'est-à-dire que la France a donc dit, pour reconstruire la France, il faut donc qu'on mette en place un système de pillage de l'Afrique. Même pas mettre seulement en France. Jacques Chirac a bien dit que tout ce que nous avons, une grosse partie, vient du pillage de l'Afrique depuis des siècles. Donc, en 1945, donc, ça a été formalisé en mettant en place le nazisme monétaire que la France a subi pendant pendant l'occupation, que le compte, le fameux compte de clearing que la France a transformé en compte d'opération. Donc, qu'on a mis ça en place pour le pillage de l'Afrique, qui a eu deux conséquences directes, la création du franc CFA. Deux conséquences directes, la première étant de rassembler à Paris tout le stock d'or de tous ces pays. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la France est le cinquième réserve d'or dans le monde, qui permet à la France de lever des capitaux de manière très importante. La deuxième conséquence, c'était donc la confiscation de 100% des devises de tous les pays de la zone franc pendant de 1945 jusqu'en 1968. Donc, 100% des devises produites par nos pays étaient confisquées par la France. Donc, quand vous bâtissez un système économique qui est fondé sur le pillage, mais vous ne pouvez pas développer votre compétitivité. Ce n'est pas possible. Donc, la France est mise dans une position telle que elle ne peut pas tenir la compétitivité et sa balance commerciale qui est structurellement, je pèse mes mots, structurellement déficitaire, en témoigne. Quand vous regardez la balance commerciale française, elle est toujours déficitaire avec tous ses partenaires, mais toujours très largement excédentaire avec ses anciennes colonies. Ça, c'est depuis très longtemps. Et je suis entièrement d'accord avec mes prédécesseurs, le professeur Dengue, qui dit que la France aurait pu être un très grand pays si elle avait joué franc jeu avec l'Afrique et elle avait pu laisser l'Afrique, tout comme pendant les États-Unis, ont aidé leurs partenaires à se développer. Il y a l'Europe occidentale, le Japon, la Corée du Sud, l'Inde. Vous voyez que les Américains ont eu une autre stratégie qui est de développer leurs partenaires. Et les laisser se développer, c'est d'ailleurs ce qui fait la force de l'Amérique aujourd'hui. La France n'a pas voulu prendre ce schéma-là. Si, même en refusant, par exemple, le fédéralisme, si elle avait permis à l'Afrique, parce que si elle n'avait pas saboté, non seulement elle a cassé cette union qu'on voulait mettre en place, mais là, elle nous a balkanisé, c'est sa stratégie de toujours, qui est de diviser pour bien régner. Donc, si elle n'avait pas cassé cette dynamique, si elle avait laissé l'Afrique se développer et jouer franc jeu, et nous apporter des capitaux, même ces scientifiques, comme à l'époque, on n'en avait pas. Aujourd'hui, la France, hissée par les économies africaines développées, la France est aujourd'hui le premier pays du monde. Malheureusement, la France est en train de chuter. Je ne vois pas comment ça va changer. D'autant plus que ces gens, encore une fois, il faut bien préciser que ce n'est pas les Français. Je suis d'accord avec cette précision. Il faut vraiment le mettre en place. Ce n'est pas des Français qu'on parle. On parle de l'élite intellectuelle et politique française. C'est une minorité, effectivement. C'est vrai que le français lambda en profite, mais ici, ils ignorent. Parce que aller dans les rues de Paris, Lyon, demandez-leur ce que c'est que le franc CFA. Les gens ne savent pas de quoi vous parlez. Encore, c'est récemment qu'ils entendent parler du franc CFA. Parce qu'on m'a dit que c'est entre les mains de 5-6 hauts fonctionnaires qui ont juré de ne jamais en parler. Donc, vous n'entendez jamais ce débat ni au Sénat français, ni à l'Assemblée nationale française. Donc, c'est un schéma qui, en fait, condamne à terme l'économie française, et d'autant plus que l'Afrique s'est réveillée et s'est mise est en train de s'émanciper. Et je dirais, j'ai envie de dire que ce mouvement-là, il est irréversible. Je ne vois pas comment on va faire pour nous maintenir dans cette forme d'esclavage moderne. Merci à vous. Voilà, docteur Achille Eke, je vous retrouve très rapidement. On dirait très clairement que la France s'est elle-même condamnée, c'est-à-dire à quelque part nourrir sa population avec quelques subsides de ce pillage. Cela pousse la population à ne pas forcément beaucoup aimer aller à un certain niveau d'effort. Et donc, à la fin, on voit un pays qui est aussi figé finalement que l'Afrique. Quand on regarde les rues de Paris, enfin, quand on regarde les quartiers difficiles de Paris, quand on regarde le français lambda, qui parfois n'est même pas plus éduqué qu'un Africain, se retrouve dans une situation de stagnation qui est comme celle qu'on peut voir dans un pays comme le Burkina Faso, qui finalement a donc produit cette explosion, cette bombe humaine qui, à la fin, voilà, éclate devant l'ambassade de France, comme on a pu le voir avec cet incendie au Portillon. Oui, c'est d'autant plus, ce que vous dites est important parce qu'on se rend compte effectivement que la France a bâti, n'est-ce pas, son système économique sur, comment on va dire ça, c'est une forme de sangsue, c'est-à-dire qu'elle suce, n'est-ce pas, la productivité, les efforts que les pays africains, les anciennes colonies, en tout cas de la France, fournissent, et donc siphonnent ces efforts-là vers elle, ce qui fait que ça lui permet de pouvoir financer, n'est-ce pas, sa sécurité sociale, un certain nombre de, n'est-ce pas, de programmes qu'ils offrent à la population. Et donc, ça permet dans la France d'être dans le monde le pays qui a le plus, n'est-ce pas, qui a un système social, le système social le plus, comment on va dire ça, le plus avantageux, le plus, voilà, le plus intéressant, enfin, quel est le terme qu'on va utiliser là, à travers le monde. C'est-à-dire que véritablement, ils s'occupent de leur vie, ils s'occupent de leur population, mais avec l'argent de l'Afrique. C'est-à-dire que nous travaillons, nous ne gagnons rien de ce que nous travaillons et c'est la France qui en bénéficie. Donc, quelque part, on va toujours dire que les populations ne sont pas informées, les populations ne savent pas ce qui se passe, mais pour ceux qui savent ce qui se passe, ils ne disent rien. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, il n'y a pas de, il y a quelques voix dans l'opposition parfois, des députés ici et là qui font des discours au Parlement pour parler, n'est-ce pas, du franc CFA, pour dénoncer le franc CFA, pour dénoncer un certain nombre de choses, mais dès qu'ils arrivent aux affaires, ils ne font pas ce qu'ils disent, vous voyez. Donc, c'est un jeu de dupes. On remarque aux Allemands, comme les pays comme l'Italie, on a un nouveau premier ministre italien qui vient d'arriver, qui est de l'extrême droite, et qui a tout de suite commencé à attaquer Macron avec le franc CFA, etc. Donc, toujours dans la même lignée, mais quand l'opportunité se présente, eh bien, ils sont prêts à partager le fruit, n'est-ce pas, du pillage de l'Afrique. C'est ça la communauté européenne, c'est ça l'Union européenne, c'est ça l'euro. Ils se sont entendus, ils bénéficient donc, n'est-ce pas, de ce que la France pille de l'Afrique. Donc, nous, on doit se focaliser sur nous. Moi, je pense qu'il est temps pour nous d'arrêter de parler de la France et de parler de nous-mêmes. Comment est-ce qu'on fait pour donner le maximum d'opportunités à nos peuples, à nos populations de pouvoir s'affranchir de la France et de pouvoir trouver les débouchés extérieurs à ce pays. Parce que la France, on voit aujourd'hui, elle est passée de combien, de 12 à 5%, elle va continuer dans ce pas. Ça va pas se renverser, ça va pas changer de chemin, n'est-ce pas, d'ici peu. Donc, avec tout ce qu'on voit avec la guerre en Ukraine, avec le Covid, la France est à nu aujourd'hui. Elle est à nu. Les résultats que la France affiche sont les résultats qui sont tronqués justement parce qu'il y a un apport énorme de l'Afrique dans son budget qui fait que quand on dit qu'il y a inflation en France, c'est de 6%, etc., tous ces chiffres sont tronqués parce que justement, il y a un apport qui n'est pas, qui est caché, qui n'est pas mis à contribution. Donc, il y a un certain nombre de données comme ça qui sont faussées parce que la France a un autre moyen de pouvoir n'est-ce pas, budgétiser, n'est-ce pas, ces programmes grâce au travail de l'Afrique dans un budget, comme on a dit, hors budget, n'est-ce pas, dans un système qui est hors budget, mais qui permet de, n'est-ce pas, de pouvoir renflouer les caisses au moment où la France a le plus besoin. C'est pour cela qu'on va voir, avec l'avenir, beaucoup de guerres, beaucoup de... Enfin, il est vrai que l'Afrique est en train de se lever, tout ça, mais on remarque évidemment que la France fait tout et tout pour utiliser des organisations comme la CDAO avec ses leaders pantouches qui sont à leur tête pour pouvoir maintenir sa domination. Mais je pense qu'avec le temps, les choses vont se clarifier davantage. Les Africains vont se tourner complètement vers d'autres partenaires et c'est ce qu'on remarque aujourd'hui. Donc la France ne pourra plus revenir au niveau où elle était il y a 30, 40 ans. Ce n'est plus possible. Donc, elle va être confrontée à la dure réalité de pouvoir travailler et de vivre, n'est-ce pas, de son travail et non pas du travail des autres. Donc, nous devons donc l'aider, nous devons pousser la France et les autorités françaises à comprendre que vivre sur le dos des Africains, ce n'est pas une solution à long terme. C'était momentané pour sortir de la guerre, C'était une solution, n'est-ce pas, un palliatif au sorti de la Deuxième Guerre mondiale. Mais aujourd'hui, la France doit apprendre à vivre de ses propres moyens et c'est ce que tous ses partenaires européens lui demandent. En tout cas, pour ceux qui n'en bénéficient pas comme certains pays, mais elle va devoir avoir à faire avec ce qu'elle a. Et on sait qu'elle n'a pas beaucoup. Quand on regarde des pays comme l'Allemagne, la Turquie et d'autres pays qui font ce qu'ils peuvent pour pouvoir mener une économie sur la base, n'est-ce pas, de leur créativité, sur la base de leurs efforts. La France, elle, s'appuie énormément sur l'Afrique, ce qui fait que c'est une solution qui va être catastrophique à long terme. Merci. Alors, professeur Dingwe, professeur Dingwe, alors la France qui aujourd'hui a une dette qui atteint pratiquement les 3 000 milliards d'euros, ce qui est énorme. Voilà, on parle d'un peu plus de 112% du produit intérieur brut, mais le montant en lui-même fait peur. Et pourtant, la France continue à vivre au-dessus de ses moyens, c'est-à-dire à gérer un budget qui est déficitaire. Elle finance ce déficit en continuant notamment à s'endetter sur les marchés. Alors, est-ce que, au regard de ce que je viens de préciser et de ce que vous avez précisé avant, de ce que l'erreur date d'au moins 50 ans, est-ce qu'on va dire finalement que cette politique a même aidé la France quand on voit qu'un peu plus de 50 ans plus tard, elle se retrouve surendettée, tel qu'on peut le voir, et complètement en perte d'influence? Les chiffres de la dette que vous avez donnés, moi, je crois que c'est des chiffres minorés. La dette est infiniment plus grande que cela. Et je ne vais pas entrer dans les calculs de détail. La dette est infiniment plus grande que cela. Et ce n'est pas seulement le cas de la France. Je vous ai envoyé, je ne sais pas si la régie a, des chiffres de la magouille du système monétaire international basé sur le dollar. Ce sont des tricheurs, y compris la Fédérale Réserve. Les Africains sont floués. Le monde est floué parce qu'ils peuvent imprimer de l'argent comme ils veulent et personne ne les contrôle. Et entre eux, ils se les repassent de l'argent. Si vous passez cela, si vous passez les chiffres que je vous ai envoyés et le tableau que je vous ai envoyé, qui vient du Government Accounting Office, qui est un organisme de l'État américain qui n'est pas très loin de chez moi, et où je suis allé et j'ai discuté avec les gens. Nous vivons dans un monde de tricheurs. Je le dis très, très calmement. Nous vivons dans un monde de tricheurs. Les chiffres sont faux. On ne sait pas. La Fédérale Réserve elle-même a imprimé de l'argent qu'elle a distribué sur la table, y compris à plusieurs banques françaises, des banques américaines, des banques de toutes les banques de l'OTAN. Donc, puisque personne ne va les contrôler, il n'y a pas d'audit. Il y a le Rand Paul. Si vous connaissez, ceux qui le connaissent, ils peuvent aller sur Internet. Il y a un sénateur américain qui s'appelle Rand Paul, qui est un homme de principe, vraiment, qui essaye de voir la vérité. Mais depuis, il a déposé un projet depuis 2019 pour faire l'audit de la Fédérale Réserve. On s'oppose à lui, on refuse cela. Bernie Sanders avait pu faire un premier audit tout simple en 2000, après la crise de 2008. Et puis, on a vu l'audit a été publié, je crois, en 2011, et on a vu des choses bizarres. Donc, pour vous dire, ces chiffres de la dette sont infiniment plus importants. Mais quand personne ne les contrôle et qu'ils peuvent imprimer de l'argent comme ils veulent, qui n'est basé sur rien du tout, et ils peuvent flouer le monde et venir avec et imprimer du papier et venir prendre. Voilà. Voilà exactement. Je ne sais pas si vos téléspectateurs peuvent vous voir cela. Ce tableau est crucial. Et si vous me permettez, je peux expliquer cela pendant 2 secondes. Quand la Fédérale Réserve, quand il y a eu la crise de 2008, Bernie Sanders, qui était sénateur du Vermont, a exigé d'avoir un audit de la Fédérale Réserve. La Fédérale Réserve, c'est-à-dire la Banque centrale américaine, qui avait été créée en 1913. Voilà, très bien. Voilà le titre et j'invite tous les chercheurs africains, j'invite vos téléspectateurs à aller télécharger ce document dont personne ne veut en parler parce qu'ils ont honte. Ça montre leur capacité de tricher la capacité du gouvernement américain à tricher, la capacité de la Banque fédérale réserve à tricher. Donc, j'explique rapidement et je vous remercie infiniment d'avoir passé cela. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il y a eu cette crise de 2008, le gouvernement Bernie Sanders, qui était fâché, qui voulait comprendre ce qui se passe, a voulu avoir un audit. Tout le monde à la Federal Reserve, qui était dirigé alors par Bernanke, ils ont refusé qu'il y ait de l'audit. Même le président Obama a refusé et a menacé Bernie Sanders, qui ne veut pas d'audit, disait-il, parce que cet audit aurait pu mettre à mal la politique extérieure et la politique de défense américaine. Bernie Sanders a quand même pu obtenir cet audit, qui n'était qu'un petit audit mené par le Government Accounting Office, qui est un organisme de l'État américain. Ce n'est pas des auditeurs extérieurs. Et figurez-vous, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé que la Federal Reserve, et vraiment je vous remercie, avait imprimé 1,6 trillion de dollars, 1 600 milliards de dollars qu'elle n'avait pas déclaré et qu'elle avait distribué en dessous de la table à des banques américaines, à des banques françaises, à des banques anglaises, à des banques coréennes, bref, à des banques du système de l'OTAN. Si vous êtes un privé, vous faites ça, vous allez en prison pour 100 ans. Mais on a fait ce système de magouille, c'est bien comme ça que ça s'appelle, un système de tricherie dont les autres ne sont pas au courant et qui floue tout. Donc, à l'heure où nous sommes aujourd'hui avec la guerre en Ukraine, à partir du moment où ils ont fait ça en 2011, maintenant je crois que pendant que nous parlons, ce système doit fonctionner à plein. C'est-à-dire que les déclarations officielles qu'on nous présente comme les déclarations officielles, le budget et tout ça, moi je n'y crois plus. Ça fait des années que je ne crois plus à ce genre de choses parce que ils n'ont pas commencé, et je prétends qu'ils n'ont pas commencé en 2011 comme Bernie Sanders a pu le montrer, ils le faisaient avant et dans des périodes de crise comme celle-ci, ils doivent le faire encore plus et on ne sait pas, ils impriment. On appelle ça des Ponzi, on appelle ça de la fausse monnaie. Si c'est un privé qui fait, c'est la fausse monnaie. Mais ils font ça pour enrichir un certain nombre de leurs partenaires et pour s'enrichir eux-mêmes. Parce qu'ils parlent de la corruption en Afrique, mais ça, c'est un système de méga, méga, méga corruption. Mais comme les Africains, et en particulier les dirigeants africains, n'ont pas du répondant, n'importe quelle petite ONG qu'on vient de créer peut venir cracher sur les dirigeants africains, dire « Oh, vous êtes des corrompus, vous êtes ceci, les biens mal acquis. » Mais les biens mal acquis, c'est une goutte d'eau par rapport à l'océan de corruption que la Federal Reserve. Et là, je vous dis, c'est un document officiel, vous pouvez aller télécharger. Moi, je suis allé sur les lieux, j'ai discuté avec ceux qui ont rédigé ce document et je ne peux pas vous dire tout ce qu'ils m'ont dit parce que nous vivons dans un monde de faux. Et ce faux, c'est un peu cela, peut-être j'anticipe sur le prochain sujet, c'est un faux que Poutine, par un rouble réel, a bossé sur une monnaie réelle, est en train de casser. Enfin, mais je vous remercie d'avoir passé cela, c'est une information capitale et qui date pourtant de 2011, personne n'en parle, j'en ai parlé dans plusieurs de mes conférences et des cours que je donne, mais personne, évidemment, les grands médias qui nous abreuvent de bruit, qui nous abreuvent de propagande, ne parlent pas de ce document qui est simple et qui est disponible sur Internet. C'est ça au moins un côté positif des Américains, c'est qu'ils peuvent tricher, mais il y aura toujours quelqu'un qui va dire non, je n'accepte pas. Et c'est pour ça que nous avons la possibilité d'avoir ce livre. Et je remercie les responsables du GOA qui ont accepté de m'accueillir pendant toute une après-midi et avec qui j'ai parlé, discuté de ces questions et j'ai mis la main sur la tête pour savoir que nous étions là en face des plus grands tricheurs au monde, et peut-être même de l'histoire, et maintenant qu'ils sont en difficulté sur le plan économique, peut-être que cette tricherie est multipliée par 10 ou par 20, et le pauvre Rand Paul, qui demande un audit, depuis 2019, il n'arrive pas à avoir, tout est bloqué, et tous les gouvernants bloquent, tous les sénateurs bloquent, c'est une magouille générale qui englobe le monde entier et qui vous engloutit dans le désordre. Maintenant, je reviens rapidement sur la dette française. La dette française, là encore, c'est les lois de l'économie. Excusez-moi, c'est les lois de l'économie. Si vous ne voulez pas respecter les lois de l'économie, si vous croyez que vous allez vivre uniquement sur les rentes en exploitant les Africains, si vous croyez que vous ne travaillerez pas et que vous, grâce au nazisme monétaire, comme les nazis avaient exploité la France sans tirer un coup de feu, mais par des accords monétaires avec le gouvernement fantoche de Pétain, Charles de Gaulle a fait exactement du copier-coller et pendant plus de 10 ans après l'indépendance, les sièges des banques centrales étaient là-bas et jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas fini. Le nazisme monétaire continue malgré mes réclamations et avec ce que le professeur Nicolas Gou a fait depuis plus de 20 ans. Nous demandons des audits et ça ne va pas s'en sortir, en finir là. Et quand je dis que la dette de la France est plus que cela, l'audit que les Africains sont en droit de le faire, et ça, ce n'est pas difficile, c'est un travail d'économiste. Les Africains sont en droit de faire un audit et de voir le manque à gagner que leur a causé l'appartenance à la zone franc. En économie, il y a ce qu'on appelle des opportunity cost, c'est-à-dire le coût d'opportunité. Il y a le coût d'opportunité qu'a causé la banque, l'appartenance à la zone franc, c'est immense. Et c'est immense. Et si je m'oppose, nous ne nous opposons pas par part. Nous ne nous opposons pas à cela par caprice. Nous opposons cela à la zone franc et au franc CFA. Ce n'est pas par caprice. C'est parce que c'est vraiment du nazisme. La France devrait se couvrir de honte. Nous avons deux économistes français dont l'une a eu le prix Nobel d'économie en 2019, c'est-à-dire Madame Esther Duflo, qui est ici, qui est à Massachusetts, et qui se gargarise de travailler sur la pauvreté. Elle oublie, cette dame, que son pays est le plus grand créateur de pauvreté en Afrique. Et je suis surpris que ceux qui délivrent le prix Nobel d'économie ne vont pas voir pourquoi une Française qui a le prix Nobel d'économie sur la soi-disant la pauvreté, pourquoi ne parle-t-elle pas du franc CFA qui est probablement le plus grand outil d'appauvrissement de l'histoire? Parce que les Allemands ont appliqué le nazisme monétaire sur la France, disons pendant 3 ou 4 ans. Mais la France l'applique sans scier aux Africains depuis 1945. Et elle n'a pas d'état d'âme. Et si les dirigeants africains n'ont pas la compétence pour analyser les choses et défendre les intérêts des leurs, au moins on pouvait s'attendre à ce que des institutions internationales disent non. Le nazisme a été condamné au procès de Nuremberg en 1946. Moi, j'ai les textes du procès de Nuremberg. Et Göring, qui était le père du nazisme monétaire, Hermann Göring, qui était le père du nazisme monétaire, a été jugé, condamné à mort. Et on l'a retrouvé le jour où on allait le pendre. Il s'est donné la mort lui-même. Donc nous parlons de choses extrêmement sérieuses. Vous me montrez Madame Lagarde. Mais cette dame, c'est l'agent du nazisme monétaire. Le nazisme monétaire, ce n'est pas des paroles en l'air. Ce n'est pas parce qu'on ne verse pas de sang. Les Français ont été exploités et ils le savent. Et c'est pour ça que De Gaulle a appliqué cette méthode. C'est quelque chose d'extraordinaire d'exploiter les gens sans qu'ils le sachent ou même et qu'ils l'encouragent. Malheureusement, dans notre pays, les dirigeants, les soi-disant les gouverneurs de banques centrales, la BCAO, la BEAC et compagnie, je ne veux pas les qualifier, mais c'est incroyable qu'ils puissent participer ainsi au saignement de leur population, peut-être parce qu'ils ont de grands appartements qu'on leur donne, ou bien ils ont des voitures 4x4. Mais c'est horrible ce qui se passe. Et comme je dis, les Africains ont la peau dure. L'esclavage aurait pu nous exterminer pour toujours, comme on a exterminé en Amérique les gens. Le travail forcé aurait pu nous exterminer pour toujours, comme on a éliminé d'autres qui sont tombés sous les coups et les fouets. Mais nous, malheureusement, la colonisation aurait pu nous éliminer. Le nazisme monétaire aurait pu nous éliminer. Si on appliquait le nazisme monétaire à la France, au lieu de 3 ans, 4 ans, pendant 10 ans, je ne sais pas ce que seraient les Français aujourd'hui. Mais nous avons la peau dure. Nous sommes des durs à cuire. Peut-être que la nature a été ainsi faite et que nous résistons. Et je suis très optimiste malgré tout. Mais pour terminer, je vais dire qu'on ne va pas laisser la France en aller comme ça. Par exemple, ceux qui disent sortons du franc CFA, bien sûr sortons du franc CFA, mais nous présenterons la facture à la France. Voici le coût d'opportunité qu'a causé l'appartenance à la zone franc. Et la France aura intérêt à payer, parce que nous aussi, nous savons faire du calcul actuariel et du calcul d'intérêt. Et avec les années, ce montant ne pourra que croître. Je vais m'arrêter là. Encore une fois, je vous remercie infiniment d'avoir montré ce document que je conseille à tous les Africains de lire. Et vous allez vous rendre compte que nous sommes floués et actuellement où nous parlons, la machine du faux du dollar est, je le soupçonne, en train de fonctionner à 1000%. Merci. Merci à vous, professeur Degwe. Alors, très rapidement, je vais à présent vous proposer une attitude voilà, d'intellectuel français qui pense très clairement que la France a créé donc cette misère, a exposé plus d'un milliard de personnes à une misère extrême, à des conditions de pauvreté extrêmes, et que avec le monde qui évolue, il est évident que la planète ne peut plus produire autant de richesses, par exemple, qu'elle a produite par le passé, et qu'il faudrait revoir, reconsidérer ce paradigme pour aller vers une communauté universelle qui permet à chacun de pouvoir se contenter et donc de vivre avec ce qu'il possède. Je vous propose cet extrait et nous revenons juste derrière. Alors nous avons profité par notre système capitaliste, nous avons affamé des milliards d'individus. Et si nous vivons comme nous vivons, c'est parce qu'eux, on leur a enlevé le droit d'avoir une certaine dignité. Ne l'oublions pas, maintenant que nous arrivons à la fin du capitalisme, n'oublions pas ça. Il faut partager maintenant parce que la Terre est unique et qu'elle ne peut plus nous donner plus qu'elle nous a donné jusqu'à présent. Et malheureusement, nous, Occidentaux, nous sommes extrêmement orgueilleux. Nous voulons imposer nos fameuses valeurs à la planète entière. Nous voulons imposer notre mode de vie à la planète entière. Nous sommes persuadés de détenir la vérité. Nous sommes persuadés de détenir la science infuse. Cet orgueil, nous le tenons de cette capacité que nous avons eue dans le monde matériel à faire du développement industriel, à faire que le mode de vie a changé. Ça nous a rendus orgueilleux. Mais certes, l'occidental avait des qualités, mais ces qualités, il aurait dû les exploiter pour le bien-être de l'humanité et pas pour son malheur, comme il l'a fait, c'est-à-dire développer un système de vie hyper égoïste en tirant profit des autres pays pour s'offrir, lui, un mode de vie confortable et agréable, mais aux dépens des autres peuples. C'est cela que je reproche à l'homme occidental. Il aurait dû utiliser ses capacités et ses talents, certes il en a, mais pour le bien de l'humanité, en englobant, si vous voulez, l'intérêt de tous les peuples. Et ça, il ne l'a pas fait. Du coup, nous sommes piégés par notre orgueil, par notre égoïsme, et nous allons le payer, bien entendu. Bon, soyons sérieux. Je crois qu'il est temps de faire preuve d'un peu de dignité et de reconnaître notre échec civilisationnel. Je crois qu'il est temps de tout remettre sur la table, y compris les schèmes structuraux que l'on veut croire intangibles parce qu'ils servent notre pouvoir ou notre confort. Et je trouve qu'il est très caractéristique, voyez-vous, de l'arrogance occidentale. Je crois que nous n'avons pas tous ici bien compris que nous ne sommes pas la solution, nous sommes le problème. Ce sont nos valeurs et nos manières d'être qui mènent à ce que l'ONU nomme, je cite, « une situation de menace existentielle directe ». Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité. Quelle suffisance ! Alors que faire ? Merci. Je ne m'attendais pas à être applaudi ici, c'est une bonne surprise. Je crois qu'il faut être un peu conséquent. Nous ne sommes déjà plus dans une crainte quant à l'avenir. Nous sommes dans un constat quant au passé. Nous avons d'ores et déjà éradiqué plus de la moitié des arbres, des insectes, des poissons d'eau douce, des mammifères sauvages. Nous laissons d'ores et déjà 700 000 êtres humains mourir chaque année de la pollution en Europe. Si même face à cette évidence, nous ne voyons pas la nécessité d'une refonte axiologique et ontologique drastique, c'est que nous faisons preuve d'une cécité que nos descendants, s'ils survivent, auront, croyez-moi, du mal à pardonner. Retour sur ce plateau et nous amorçons la deuxième partie de ce développement autour de ce sujet qui concerne ici la France en perte d'influence économique sur le continent africain. Alors nous allons à présent tenter de voir si par ce fameux mécanisme du franc CFA, il reste quelque chose à la France, peut-être un moyen pour rebondir. Et je veux commencer cette fois-ci par vous, docteur Célestin Tchakounté-Lengue. Alors, il reste au moins le franc CFA avec le dépôt obligatoire des réserves, enfin des avoirs extérieurs des pays qui utilisent le franc CFA au trésor public français via le mécanisme du compte d'opération, de l'argent qui permet par exemple de payer, on entend ci et là, en premier les entreprises françaises qui rapatrient leurs bénéfices. Ça leur permet effectivement de pouvoir mieux être solides et donc de pouvoir par exemple mieux investir sur d'autres marchés. Il y a aussi que cela permet à la France aussi de spéculer parce qu'il se passe toujours un temps entre le moment où cet argent est déposé et le jour où on utilise effectivement cet argent pour des conversions. Alors est-ce que ce mécanisme donc CFA peut encore ici permettre à la France, est un levier qui peut lui permettre à un moment donné de redresser la barre selon vous? Oui, je pense que là il y a deux problèmes qu'il faut bien séparer. C'est-à-dire qu'il y a le problème économique qui est la perte de compétitivité. Qui est un problème réel, qui va se poursuivre, qui est parti de 40% à moins de 10% aujourd'hui. Ça, c'est l'érosion économique qui va se poursuivre, parce qu'encore une fois, la France a mal conçu son système. Elle a bâti un système qui fait sur le pillage, donc elle ne peut que perdre la compétitivité. Maintenant, le problème monétaire, le problème du franc CFA. Je vous ai dit d'entrée de jeu que cette monnaie a été mise en place, et les autres l'ont bien expliqué, a été mise en place pour piller nos économies. Donc, ce n'est pas seulement un simple dépôt de certains... je vais d'ailleurs remonter un pas à l'origine du franc CFA pour rappeler très bien qu'est-ce que c'est. Le franc CFA est inspiré de systèmes monétaires mis en place par Adolf Hitler lorsqu'il occupe la France pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, il crée un compte qui s'appelle le clearing. Et dans ce compte, la France doit mettre tout l'argent gagné par l'économie française. Et la France peut prélever l'argent sur ce compte-là à deux conditions. Première condition, qu'elle achète des produits en Allemagne. Et deuxième condition, qu'ils obtiennent l'accord du chancelier Adolf Hitler. Dans la pratique, la France n'a pas prélevé un franc dans ce compte-là. Donc, c'est un compte qui, c'est une sorte de péage, en fait. C'est pour vous plier. Donc, ça a tellement bien fonctionné que, à la fin de la guerre, quand nos enfants, quand nos parents vont libérer la France parce que on nous a ramassés en masse pour un service cher à canon pour libérer la France, sans compter les richesses qui sont parties à la fois pour nourrir et pour alimenter le système militaire des Alliés. Et ensuite, nos autres frères qui venaient de l'autre côté de l'Atlantique, des États-Unis, parce que c'est beaucoup plus de Noirs qui sont aussi venus. Après qu'on ait libéré la France, pour nous dire merci maintenant, la France met en place le Père Noël, général de Gaulle, le 26 décembre, le cadeau de Noël qu'il nous offre, c'est donc de transférer ce clearing-là. Et le clearing, il l'a appelé le compte d'opération. Donc, il faut bien comprendre ce compte, il est mis en place pour un pillage. Donc, aujourd'hui, de 1945 jusqu'en 1968, la France gardait les 100% de toutes les devises qu'on avait. C'est-à-dire que même si on vendait des biens au Nigeria, l'argent partait à Paris. 100% jusqu'en 1968. À partir de 1968, la France dit, dans sa grande bonté, la France dit, je ne prendrai plus que 65%, je vais vous laisser gentiment 35%. Et donc, aujourd'hui, on dit, je crois qu'on est à 50%. Mais en réalité, ce n'est pas vrai. Parce que dans la partie qui est reversée, la France prélève 15% encore en termes de droits de tirage. C'est-à-dire quand elle appuie sur le bouton sur l'imprimante pour faire la monnaie, prélève encore 15%. Et ce n'est pas tout. La France prélève encore une commission sur toutes nos ventes et sur tous nos achats. Ça va donc dire qu'au bout du compte, on se retrouve avec une confiscation. Le système de confiscation est toujours en place. C'est ça que j'ai dit. Faisons la distinction entre deux éléments. Il y a d'un côté le problème économique qui va se poursuivre parce que quand vous avez une économie qui est mal bâtie, vous ne pouvez pas suivre en termes de productivité parce que les autres se modernisent et la productivité augmente. Donc, ce phénomène va se poursuivre. Mais le phénomène de confiscation de nos avoirs est toujours en place. Si nous ne faisons rien, ça ne sautera pas. Et donc, nous pouvons seulement espérer que cette prise de conscience qui se généralise dans toute l'Afrique et qui a probablement plus avancé en Afrique de l'Ouest va se généraliser et qu'à un moment donné, on va donc attaquer de front ce problème, ces postes de péage qu'on appelle le franc CFA qui a été installé dans tous les 14 pays, vers les 15 pays de la zone franc pour confisquer la valeur ajoutée. Donc, voilà les deux éléments. Donc, même si la France perd des positions en termes de marché, en termes d'appel d'offres, encore qu'il y en a toujours, hein, il reste quand même cette confiscation de nos richesses à travers le système de France CFA qui, je le répète, a été conçu spécifiquement pour piller nos économies. Docteur Célestin Tiakounté, professeur Dengue, je vous retrouve très rapidement. Alors, on a vu au Burkina Faso comment est-ce que l'ambassade de France a été prise d'assaut. On a vu le niveau de détermination de ces jeunes qui ont sauté sur l'ambassade, qui n'ont pas eu peur de ce que le barbelage pouvait porter de l'électricité. Ils n'ont pas eu peur, ces jeunes n'ont pas eu peur des risques d'électrocution. Ils sont allés un peu comme s'ils n'avaient plus rien à perdre, un peu comme des bombes humaines, on peut le dire ainsi. Alors, est-ce qu'à partir de là, la France peut se taguer de ce que ce mécanisme CFA existerait toujours? Le docteur Tiakounté disait tout à l'heure que la surchauffe actuelle sur le continent pourrait à un moment donné pousser les Africains de la zone franc, bien sûr, à sauter finalement sur ces postes de péage pour les détruire, peut-être même avec les dirigeants qui les soutiennent. Ce que nous avons vu, la jeunesse de Burkinabé, du Burkina Faso, à accomplir, soulève un double sentiment. Je suis d'abord très attristé de voir que l'on doit en arriver là. Je suis très attristé de voir que des problèmes qui pouvaient se résoudre simplement par l'obstination d'une partie qui refuse la liberté de l'Afrique, par l'obstination de forces extérieures qui croient qu'elles vont continuer de contrôler le sort des Noirs, forcent une partie de la jeunesse africaine à arriver à ses extrémités. Je suis quelqu'un de non-violent. Je n'ai jamais lancé le moindre caillou à qui que ce soit. Et je vois cela avec étonnement. Mon deuxième sentiment est le suivant. C'est que nous sommes en face de quelque chose d'inédit. Nous sommes en face de quelque chose d'inédit et je crois qu'il est irréversible. Vous voyez que ces jeunes qui agissent ainsi ont, j'allais dire, comme par sympathie, ils font ce que leurs ancêtres ont fait. Peut-être ne s'en rendent-ils pas compte. Parce qu'aujourd'hui, on a oublié ce que c'était le combat pour l'indépendance. C'était un combat extrêmement difficile. C'est pour ça que j'admirerai toujours de grands Africains tels que Sékou Touré, le grand Modibo Keïta. Nous voyons que, d'une certaine façon, ce que ces jeunes font, ils sont en train de revivre leur combat difficile. Sékou Touré a été fouetté. N'oubliez pas ça. Il était un jeune syndicaliste. Il avait 25 ans. On l'a malmené. On l'a arrêté. On l'a fouetté, mais il a résisté. Et après, on l'a isolé. Ils ont appliqué une autre forme de nazisme monétaire. Puisque vous savez que quand Hitler a bombardé Londres et qu'il n'arrivait pas à vaincre les Anglais, ils ont déversé. Hitler a fabriqué de la fausse monnaie anglaise qu'il a déversée sur Londres. qui est un autre aspect du nazisme monétaire. Et la France a fait exactement cela avec la Guinée. La France a fabriqué de la fausse monnaie guinéenne en passant par encore un autre traite, le même traite, Oufuet Boigny. Et hélas, je suis obligé aussi de citer Senghor, qu'ils ont facilité l'introduction de la fausse monnaie guinéenne dans, fabriquée par les Français pour détruire l'économie de Guinée. Donc ces jeunes que je vois, peut-être qu'ils n'ont pas tous ces références historiques, mais instinctivement, ils sentent, c'est de l'énergie, c'est une énergie qui devrait être, ils devraient être des ingénieurs, ils devraient être des docteurs, des médecins, mais on leur a bouché, on leur a bouché leur avenir, et ils ne veulent plus perdre comme les autres ont perdu jusque-là. Donc j'ai un sentiment mixte, et la France doit, si elle veut continuer à s'entêter, qu'elle s'entête et on verra jusqu'où elle pourra aller. Si elle veut traiter par le mépris, comme elle dit, oh, en parlant du gouvernement patriotique du Mali, en disant la junte, comme si c'était l'insulte maintenant qui pouvait régler les problèmes, l'insulte ne réglera pas les problèmes. Et malheureusement, je dis ceci avec beaucoup de précaution, je crois que ce qui se passe, et je regrette vraiment tout ce qui a été comme dégâts, mais si les comportements des autorités françaises et de leurs fantoches sur le continent continuent de cette manière, les explosions de cette nature seront pires. Et là, heureusement, il n'y a pas eu mort d'homme, à ma connaissance. Si quelque chose comme ça se passe en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays, les explosions seront énormes. Les dirigeants français ont beau jeu de dire « Oh, il y a un sentiment anti-français. Oh, il y a un sentiment anti-français. » Et ils ajoutent « Oh, c'est la propagande russe. » Mais c'est un comportement d'autruche qui s'enfonce la tête dans le sable et refuse de regarder la réalité en face et de faire un exercice, je n'allais pas dire de leur état d'âme, mais de leur état de service. La France est en Afrique depuis plus de 500 ans. Qu'est-ce qu'elle peut montrer? Qu'est-ce qu'elle a apporté? La civilisation française est certes une grande civilisation, mais qu'est-ce qu'elle reste, qu'elle laisse? Sur le plan matériel, qu'est-ce qu'elle laisse? Sur le plan des valeurs, qu'est-ce qu'elle laisse? La corruption. La France est le pays qui a introduit la corruption en Afrique, dans sa partie. Si vous prenez quelque chose comme ce qu'on appelle les fonds de souveraineté, c'est une création française qui n'existe même plus en France, mais que les dirigeants africains continuent. C'est quoi un fonds de souveraineté? Parce que vous êtes un ministre, vous disposez d'un fonds, on ne sait pas où ça vient dans la comptabilité nationale, c'est le flou, c'est l'obscurité. Vous pouvez déverser, publier, utiliser cela comme vous voulez. C'est de la corruption à très très grande échelle qui est officielle, introduite par les Français. Vous êtes un chef d'État. Le chef d'État, tous ces gens, les ministres, ce doit être des serviteurs. Ce doit être des gens qui lavent les pieds de leurs citoyens, comme Jésus le Christ, qui est Dieu, s'est baissé pour laver les pieds de ses disciples. Vous n'êtes pas chef d'État pour que la population vienne vous laver les pieds. Vous êtes chef d'État pour laver les pieds de vos citoyens. Or, avec la notion de fonds de souveraineté, vous avez des milliards à votre disposition que vous dépensez comme vous voulez pour vos maîtresses, pour vos je ne sais pas quoi, je ne vais pas utiliser un langage qui ne convient pas à une émission comme celle-ci, mais ça c'est des créations françaises. La corruption est entretenue par la France. La corruption est quelque chose que nos grands-parents ne connaissaient pas. Le mot même n'existe pas dans la plupart des langues africaines. Donc, la France, qu'est-ce qu'elle laisse sur le plan des valeurs? Elle doit se poser des questions plutôt que d'invectiver. Moi, je ne suis jamais dans le langage de l'invective. Je suis dans le langage du débat et du débat des idées. La France ne peut pas continuer à diriger les Africains en invectivant ou en utilisant des oukases ou en intimidant ou même en tuant. Parce que n'oubliez pas que la France, c'est le sang versé. Et ça, c'est un autre chapitre que la France devra affronter. Les Africains semblent oublier très vite. La France a tué Ruben Umniobe. La France a fait tuer Ernest Ouandier. La France a fait tuer, a encouragé à tuer le docteur Félix Moumier. La France a tué le président du Togo dans un premier coup d'État. Devrait-on citer toutes les rivières de sang de la France? La France et les Africains jusque-là ne lui ont pas tenu rigueur. Mais il importe à la France de revenir sur terre, de regarder la vérité en face et de voir comment, si possible, parce que la jeunesse telle que je la vois est tellement radicalisée que la France, j'ai appris que les Français qui étaient en Burkina Faso se calfeutraient dans leur maison. Mais ce n'est pas ça. La rue africaine ne doit pas attaquer les Français. Moi, je reviens à ce que je dis. Les pauvres Français, je maintiens cela, ils ne comprennent pas. Même si peut-être passagèrement, ils en profitent, ce ne sont pas eux qui oppriment les Africains. Et on ne doit pas s'attaquer à des Français. Et on ne doit pas s'attaquer à qui que ce soit. Vous pouvez vous attaquer au symbole de l'État, mais laissez les gens vivre. L'Afrique doit être ce qu'elle a toujours été, un pays ouvert. Il ne faut pas faire de la violence contre les Français qui ne sont en définitive pas responsables de la situation. Donc, vous me posez la question sur cette jeunesse. Je me résume en disant tout simplement, est-ce que la France va venir à la raison ou elle va continuer dans le chemin de l'insolence, dans le chemin du mensonge, dans le chemin de l'injure. Si le Premier ministre du Mali demande, comment, tout de même, c'est pas, il ne demande pas le ciel, il demande, il va aux Nations Unies, il demande que les Nations Unies lui donnent l'occasion de prouver que la France a armé des terroristes. Ce n'est pas une moindre affaire. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas de grands médias pour faire crier ça dans le monde, mais c'est extrêmement grave comme accusation. On ne peut pas jeter ça par le donner un coup de pied pour envoyer ça sous le paillasson. C'est quelque chose d'extrêmement grave. Vous devez être des êtres moraux. Si vous allez parler à vos enfants et vous présenter une situation comme celle-là et que vous n'agissez pas dans le sens de l'éthique, qu'est-ce que vous enseignez à vos enfants? Que celui qui prétend venir combattre un criminel est le même qui arme le criminel et qui par derrière insulte ceux qui demandent qu'on leur donne l'occasion d'apporter leur preuve. L'examen de la preuve, c'est le début de la vérité. Pourquoi la France a-t-elle peur de l'examen de la preuve et qu'elle utilise les États-Unis? Parce que ce n'est plus seulement une question française. Et c'est là où je vais attirer l'attention des gens. Nous avons un groupe de ce qu'on appelle l'Occident, et que le terme que je n'aime pas, ce sont un groupe vassal que j'appelle Yankixi, qui est un groupe vassal d'Américains, dirigé par les États-Unis, qui pilote tout ça. C'est si les États-Unis aimaient la vérité, ils auraient soutenu le Mali dans sa demande de présentation des preuves. Si l'Allemagne aimait la vérité, elle aurait soutenu le Mali. Le Mali n'a pas accusé. Le Mali dit, j'ai des preuves. J'ai des preuves que la France arme, informe, finance les terroristes. Moi, je ne peux pas le dire. Moi, je reporte tout simplement les paroles du Premier ministre du Mali. Je ne sais pas ce qu'il a comme preuve. Mais nous devons voir ces preuves. Si l'Angleterre, tous ces pays qui nous donnent la morale du 1er janvier au 31, si c'était des pays qui avaient un minimum d'éthique, ils soutiendraient la demande française, malienne. Et je crois que l'opinion africaine est temps de se lever. Vous ne pouvez pas, on ne peut pas nous faire oublier cela. Tant que nous n'avons pas une réponse de l'ONU sur cette question, vous savez ce que je pense de l'ONU, je n'en pense pas grand-chose. Mais au moins, nous devons insister, continuer à insister, soutenir les demandes comme celle du Mali. Je ne sais pas ce que le nouveau gouvernement du Burkina Faso fera, mais ce gouvernement ne doit pas être intimidé. Ce n'est pas parce qu'ils sont des jeunes qu'on doit les intimider. Ils ont montré des signes de patriotisme et des références au grand Thomas Sankara. Nous devons voir ce que cela doit donner et soutenir dans cette direction. Donc, la jeunesse africaine, et je vais m'arrêter là, excusez-moi, la jeunesse du Burkina Faso a montré un dynamisme qui me semble irréversible. On retrouvera cela malheureusement dans tous les autres pays. Si cela n'existe déjà, c'est parce que le système répressif empêche cela dans d'autres pays. Mais le jour où il y aura le moindre interstice de liberté, j'ai peur que si la France ne change pas, il y aura pas seulement des bâtiments brûlés, il risque d'avoir des morts d'hommes, ce que je ne souhaite pas du tout. Merci. Merci à vous. Achille Eque, je vous retrouve très rapidement, docteur. Alors, on voit qu'il reste un outil, c'est le franc CFA, qui est encore ici, enfin, qui paraît ici comme étant voilà l'un des derniers leviers qui reste à la France pour pouvoir continuer donc le pillage, disons-le simplement. Mais face à la surchauffe telle qu'on le voit dans ces images, combien de temps est-ce que ça peut tenir? Ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Merci, merci. Je souhaite que ça dure le plus court possible. Ça aurait dû se passer depuis avant-hier, hein, pour ne pas dire il y a 20 ans. Voilà. Donc, véritablement, moi, ce que je pense, c'est que nous sommes à un moment très important de la vie des peuples en Afrique aujourd'hui. Je crois que moi, je regarde l'exemple malien et je crois qu'il faut s'en inspirer abondamment. Il faut s'en inspirer abondamment parce que quand je vois que le Mali a fait partir l'armée française du Mali, c'est un événement dont on ne mesure pas encore la portée. Je crois que ce sera historiquement l'un des événements majeurs de la décolonisation de l'Afrique. Et on va dire, on va placer ça parmi les moments majeurs, bien le moment où l'Afrique a véritablement pris un virage à 180 degrés à partir de ce moment. Le colonel Goïta et son gouvernement a demandé à la France de porter son armée, Barkhane et je ne sais pas trop quoi, de partir complètement du Mali. Et ils sont partis. Alors, si tous les pays africains, et non seulement l'armée est partie, ils ont fait partie l'ambassadeur, ils ont fait fermer Radio France Internationale, France 24 et autres. Vous comprenez? Donc, moi, je pense que brûler les ambassades, ce n'est pas une bonne solution. Ou alors attaquer les individus français, les Français qui sont dans le pays. Non, si vous voulez vous débarrasser de la France, faites ce que le Mali a fait. C'est très propre. C'est absolument très propre. Et tout le monde s'en sentira mieux. Parce que véritablement, si on peut faire partir l'armée française du Sénégal, du Tchad, du Gabon et tous ces pays où l'armée française se trouve, et demander même à fermer même leur chaîne de radio, chaîne de télévision et tout ça. Mais le message va arriver parce que moi, je continue à penser que l'excuse selon laquelle les Français, ils ne sont pas au courant, c'est leur gouvernement qui fait ce qu'ils font, qui pille nos ressources à travers le franc CFA et ils en bénéficient, mais ils ne savent pas véritablement ce qui se passe. C'est un argument qui tient très peu à un moment donné parce que quand vous regardez le président Macron a 39 ans, il est très jeune. Il est au courant de toutes ces luttes des populations africaines. Ce sont des messieurs qui sont bien formés, ils connaissent les luttes des populations africaines depuis des générations. Il profite du système. Et maintenant qu'il est à la tête du système, il nous a promis quand il arrivait qu'il ne devait pas être, il devait être un président différent. Il est jeune, il va vouloir faire les choses différemment. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il est en train de faire pire. Vous voyez, donc, c'est pour dire qu'ils profitent, ils sont tout à fait avertis du fait que l'argent, n'est-ce pas, qui entre dans leur coffre vient de l'Afrique. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font pour soutenir nos efforts? Qu'est-ce qu'ils font pour nous aider à sortir de cette situation? Ils ne font absolument rien. Donc, il faut arrêter de n'est-ce pas, cette argumentation. Moi, je pense qu'il faut faire ce qu'il y a fait, qu'ils reçoivent un message clair et direct. Fichez le camp de chez nous, messieurs, portez vos armées, fichez le camp. On n'a pas besoin de vous, on va trouver des partenaires qui vont nous permettre de faire, n'est-ce pas, du 50-50, du gagnant-gagnant, n'est-ce pas, de façon à ce que nous puissions développer nos pays. Voilà le message clair que la France va comprendre. Hein? C'est-à-dire que si ce qui se passe au Burkina Faso, c'est un moment, qui est arrivé parce que le nouveau gouvernement, la nouvelle équipe militaire qui a renversé le monsieur Damiba a eu besoin, n'est-ce pas, du support populaire parce que monsieur Damiba était réfugié à l'ambassade de France. C'est ça qui a fait que les populations sont allées là-bas et puis on s'est brûlé. Mais ce n'est pas forcément cela que les populations africaines cherchent. Elles veulent vivre du travail, de leurs efforts, du travail qu'ils fournissent. Elles veulent vivre du travail qu'elles fournissent. Elle veut pouvoir profiter des ressources naturelles que Dieu leur a données. Elle veut pouvoir mener une vie décente. Il y a une jeunesse qui a besoin d'emploi, qui a besoin d'une vie décente. Des gens sont chez eux 35, 40 ans, ils vivent chez leurs parents. Et il y a tellement de situations incroyables. qui cause d'énormes dégâts dans la société africaine. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à pouvoir résoudre ce problème tant que la France est là présente à tous les coins. Il faut la faire partir, comme ça, le temps de nous organiser par rapport à notre culture, de remettre, n'est-ce pas, de penser ces plaies qui nous ont, qui ont souhaité pendant des décennies, et réorganiser notre société par rapport à nos valeurs. C'est ça qu'on a besoin. On n'a pas besoin d'aller casser les ambassades, de brûler, etc. Non. Faire partie de la France, je pense que si on fait partie de la France, comme le Mali l'a fait, véritablement, on aura l'opportunité de pouvoir remettre les pendules à l'heure dans nos sociétés et pouvoir développer nos pays avec les partenaires dont nous avons besoin et non pas les partenaires qui viendront par la force, par les armes ou bien par la corruption et que sais-je encore, pour pouvoir piller nos ressources. Dire à nos téléspectateurs très concrètement comment est-ce que les Maliens ont fait pour faire partie de la France pratiquement sans tirer un coup de feu en l'air. Il faut dire qu'il y a d'abord la forte tension populaire des Maliens. Des centaines de milliers de Maliens sont souvent descendus dans la rue pour demander à la France de partir, donc en donnant une légitimité assez forte à la demande des autorités de Bamako qui demandaient à ce que la France en aille. Ça c'est d'un. De deux, on a également vu une France mise face à ses propres contradictions. Emmanuel Macron qui a souvent parfois très vite déclaré, et les autorités maliennes ont joué là-dessus pour qu'elle soit confrontée à ses propres valeurs dont elle en fait une véritable force. La France qui a dit qu'elle n'allait pas rester au Mali si il y avait dans le cadre des accords militaires, s'il y avait une présence russe armée dans le pays, et finalement cette présence est arrivée, la France ne sachant plus quoi dire à l'Union européenne ni comment se défendre devant ses autres partenaires, notamment les États-Unis, a donc été une fois de plus mise face à ces contradictions. Alors pouvez-vous spécifiquement mieux nous enrichir sur ce point afin que nos téléspectateurs comprennent comment est-ce qu'un tel niveau de soft power peut conduire à un succès aussi historique? Oui, mais tout dépend de la volonté politique, essentiellement. Hein. C'est-à-dire que c'est la volonté politique qui est à l'initiative de toutes ces actions que le Mali a prises. C'est-à-dire que véritablement, le gouvernement malien a senti que la présence française était un frein par rapport à sa sécurité d'abord, hein, parce que M. Goïta et son équipe ont senti qu'effectivement, en laissant la France faire ce qu'elle fait d'habitude, ce serait très vite un coup d'État qui arriverait, qui renverserait, et peut-être qui serait mis aux arrêts. Donc, il y a une volonté politique forte, en plus du fait qu'ils ont un certain conseil intellectuel assez élevé par rapport à d'autres dirigeants, c'est-à-dire qu'ils travaillent véritablement en équipe, ils font des analyses profondes, ils savent se taire, parce que c'est ça le problème aussi, nous autres Africains, on aime aller parader sur Radio France Internationale pour montrer qu'on est capable de faire partie de la France. Ils ont su se taire, travailler avec un partenaire sérieux comme la Russie, n'est-ce pas, obtenir les armes conventionnelles, les armes nécessaires pour pouvoir d'abord se protéger et ensuite maintenir donc cette possibilité de pouvoir acquérir de l'intelligence sur tout l'étendue du territoire malien pour savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se dit, quels sont les groupes qui travaillent avec la France, quels sont les groupes que la France utilise ou instrumentalise pour pouvoir, déstabiliser le pays. Donc, il y a tous ces éléments que le gouvernement malien a mis en place pour pouvoir contrôler son pays, contrôler ses frontières, contrôler la communication, n'est-ce pas? Parce que la Radio France 24, ils bombardent, n'est-ce pas, les populations africaines avec des informations toujours tronquées, évidemment, venant du Quai d'Orsay. Alors, ça fait que ça va en contradiction avec ce que le gouvernement malien veut faire. Et donc, le gouvernement a très vite compris que ça ne pouvait pas marcher si ça se passait comme ça continuellement. Donc, on décidait donc pour cela de fermer Radio France Internationale et France 24. Et l'ambassadeur, donc, a voulu protester. Et étant donné même d'ailleurs qu'il y a 2 ans de cela, à l'époque, il y a 2 ans de cela que l'ambassadeur malien avait été déjà chassé de la France. Enfin, il n'a pas été reçu en France. Donc, il n'y avait pas d'ambassadeur malien en France. Et bien, c'était très clair qu'effectivement, n'est-ce pas, il fallait faire partie également de l'ambassadeur français qui était en train de jouer un double jeu dangereux. Et voilà, donc, ce sont ces décisions qui ont été prises mûrement sans avoir peur. Et évidemment, n'est-ce pas, les accords léonins, les accords militaires et autres que la France a signés avec le Mali ont été revus. Le Mali a eu l'opportunité de revoir ces accords et de demander à la France, n'est-ce pas, de travailler pour revoir ces accords. La France a mis ça de côté, n'a même pas regardé. Et le moment opportun, les Maliens ont simplement dénoncé ces accords. Voilà. Donc il y a un certain nombre de choses qu'ils ont fait de façon intelligente, mais en mettant la France toujours face à ces contradictions, ce qui fait que le Mali a pu garder, donc, n'est-ce pas, son soutien populaire. Hein, parce que la stratégie française, c'est de pouvoir vous peindre comme étant des gens qui sont qui violent les droits de l'homme. On entend parler de cela tout le temps, les droits de l'homme. Ils opposent, n'est-ce pas, les groupes internes à d'autres groupes pour pouvoir venir jouer les arbitres. Non, très vite, les autres ont compris cela et ont décidé qu'effectivement, la France n'a plus sa place dans ce pays et qu'il faut que ça aille. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, voilà un petit peu comment on peut expliquer ça, monsieur Fondoc. Donc, il y a beaucoup d'éléments comme ça qu'on peut relever dans certains pays. On a vu le cas, par exemple, de la Centrafrique. La Centrafrique, où, n'est-ce pas, la France a été pendant des années, n'a pas pu maintenir la sécurité. Eh bien, dès que le président Touadéra a eu l'opportunité, après une visite qu'il a faite en France, d'aller voir les Russes pour s'enquérir, n'est-ce pas, de ce qui se passe. Effectivement, les Russes lui ont dit qu'écoutez, les armes que les Français voulaient vous donner, ce ne sont pas des armes qui sont acceptables. Nous sommes opposés par rapport à ça. Et donc, le président Touadéra a donc compris l'entourloupe, la supercherie française, et a donc profité de cela pour signer les accords militaires avant de rentrer sur Bangui. Ce qui fait que quand il est arrivé, n'est-ce pas, la coopération russe a commencé et très vite, les Français ont compris que ça ne devait pas marcher, ils sont partis. Donc, c'est tout ça. Il faut que nous comprenions déjà les enjeux parce que le problème, c'est qu'on reste dans les schémas carrés qui sont vieux de l'indépendance. Il faut que nous sortions, n'est-ce pas, de ces boîtes-là dans lesquelles ils nous ont mises pour pouvoir réfléchir autrement et pouvoir trouver des solutions adéquates pour nos peuples. Tant qu'on le fait, vraiment, on s'en sortira. Mais si on reste là à suivre les canaux tracé par ces Français, on ne s'en sortira jamais. Voilà. Bravo. Et voilà, je voudrais rapidement vous retrouver, docteur Céleste Santiago-Couty. On voit très clairement que même ce levier monétaire que vous avez cité tout à l'heure, au final, face à la surchauffe actuelle, cela pourrait ne pas tenir parce que ces peuples du continent africain qui se réveillent chaque jour, contraint même d'ailleurs de se réveiller à cause de la surchauffe, à cause de la pauvreté, de l'extrême précarité telle que vous le sentez vous-même quand vous êtes au milieu de ces Africains-là qui n'ont pas d'avenir, qui n'ont rien, il faut le dire, et qui aujourd'hui, malheureusement, sont obligés, au moins pour leur honneur, de pouvoir réagir. On voit donc très clairement que cela ne tiendrait pas. Oui, Guy, ça ne peut pas tenir, et ça ne doit même pas tenir, parce que c'est une honte pour tout le monde, en commençant par la France. Et vous voyez ce qui s'est passé au Burkina Faso. Mais nos amis du Burkina, que je salue, quand vous regardez, aucun des activistes panafricains n'a donné un mot d'ordre disant « faut s'en prendre aux Français ». Personne n'a dit une chose pareille. Donc, personne n'encourage cela, de s'en prendre aux Français, à leur ambassade. Mais il n'empêche qu'on peut se poser des questions derrière. Il y a quand même une cinquantaine d'ambassades là-bas au Burkina. Pourquoi seulement l'ambassade de France a été attaquée? Pourquoi on n'a pas attaqué l'ambassade des États-Unis? Pourquoi on n'a pas attaqué l'ambassade de Belgique, d'Allemagne, du Japon, d'Israël? Uniquement l'ambassade de France, parce que tout le monde voit, tout le monde a vu, d'abord depuis l'histoire, ce qui s'est passé. Tout le monde a vu, tout le monde subit ce mépris, cette chosification que nous subissons de la France depuis des siècles. Ça a commencé par la vente de nos ancêtres comme des marchandises. Ensuite, la colonisation, avec un respect qui, avec vraiment un niveau de chosification qui n'a pas de nom. Et justement, et d'abord, évidemment, il y a eu l'exemple donné par le Mali. Et le Mali, en fait, pour revenir sur le Mali, il faut remonter dans l'histoire. Parce que souvent, quand on remonte dans l'histoire, on comprend mieux le présent. Et donc, on peut bien regarder l'avenir. Le Mali, au XIIe siècle, est le fondateur de l'une des premiers royaumes en Afrique, et d'ailleurs le fondateur de la première université. À ce moment-là, toute l'Europe, c'est encore des petites tribus qui se tapent dessus les uns les autres, les unes les autres. Et notamment au XIIe siècle, c'est là où il y a un très grand roi qui s'appelle Sundiata Keïta, dont sa naissance avait été annoncée à l'avance, qui est d'abord né boiteux et qui un jour se lève et qui s'est dit, le griot a dit, et voici le grand jour, Marijata, je te parle, fils de Sogolon. Aujourd'hui, c'est le grand jour, il s'est levé, il s'est mis à marcher et il a fondé un très grand empire et il a affronté dans une bataille mémorable un grand sorcier qui s'appelait Soumaoro Kanté, dont il a fondé un très grand empire. Sundiata Keïta. D'ailleurs, je crois dans le discours du ministre, il en parle. Donc, les Maliens descendent, ils ont une très grande descendance d'un très grand royaume qui a fondé une université longtemps avant l'Europe et qui a fait la déclaration, la première déclaration universelle des droits de l'homme avant celle de la France qui est toute récente. Donc, ça ne peut pas fonctionner. La France est engagée dans une impasse, ça ne fonctionnera pas. J'espère pour eux qu'ils vont le comprendre, mais je crois que je ne comprends pas. Parce que l'élite française, c'est l'arrogance, c'est l'orgueil, et ils ne sont pas habitués à dialoguer avec des gens qui discutent avec eux. Ils sont habitués à la soumission. Donc je ne crois pas qu'ils vont se réveiller, parce que tout ce qui, quand vous écoutez les débats, j'aime bien écouter les débats sur leur télévision, CNews, quand ils parlent du Mali, quand ils parlent de l'Afrique, mais c'est avec condescendance, avec mépris, avec arrogance. Ils sont à des allées nuées, ils ne comprennent pas très. Ils refusent de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Parce que, écoutez, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, ils disent que les Africains sont remontés. Ils sont remontés, c'est parce qu'ils sont manipulés par la Russie. C'est parce que ces dirigeants français sont incapables d'accepter que nous, Africains, nous les Noirs, on est capable de se mettre en colère tout seul. Ils disent non, c'est des sous-hommes. Un sous-homme ne peut pas se mettre en colère. Donc, si nous sommes en colère, ça ne peut être que la manipulation de la Russie. Donc, vous voyez qu'ils sont loin, c'est-à-dire qu'ils nous considèrent toujours, jusqu'à aujourd'hui, comme des sous-hommes. Donc, comment voulez-vous qu'ils viennent dialoguer avec des sous-hommes? Comment voulez-vous qu'ils viennent discuter avec des sous-hommes? Mais je crois qu'ils auront des lendemains difficiles à affronter parce que cette situation va s'arrêter dans très bientôt. Et cette situation, c'est une impasse parce qu'ils sont aujourd'hui en train d'arrêter l'eau avec les mains, comme on dit au village. Afrique Média, le monde, c'est nous.